L'album vend, la jolie bande, l'album vend, mamie m'appelle, l'album vend, la jolie bande, l'album vend, mamie m'attend. Derrière chez nous y'a un étang. Derrière chez nous y'a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant. Chassant. Hey, l'album vend, l'album joli vend, l'album vend, mamie m'appelle, l'album vend, l'album joli vend, l'album vend, mamie m'attend. Le fils du roi s'en va chassant, le fils du roi s'en va chassant, avec son grand fusil d'argent. Hey, l'album vend, l'album joli vend, l'album vend, mamie m'appelle, l'album vend, l'album joli vend, l'album vend, mamie m'attend, avec son grand fusil d'argent, avec son grand fusil d'argent. Bise à le noir, tu as le blanc. L'album vend, mamie m'attend. Bise à le noir, tu as le blanc. Bise à le noir, tu as le blanc. Au fils du roi, tu es méchant. Hey, l'album vend, l'album joli vend. L'album vend, mamie m'appelle. L'album vend, l'album joli vend. L'album vend, mamie m'attend. Au fils du roi, tu es méchant. Fils du roi, tu es méchant. D'avoir tué mon canard blanc. L'album vend, mamie m'appelle, l'album vend, l'album joli vend, l'album vend, mamie m'attend.